L'après-midi fut charmant. On alla visiter les sources d'abord. Elles jaillissaient, au pied d'une roche moussue, dans un clair bassin, toujours remué, comme de l'eau bouillante. Puis on fit un tour en barque, à travers de vrais chemins, taillés dans une forêt de roseaux secs. Le comte, assis entre ses deux chiens qui flairaient, le nez au vent, ramait. Et chaque secousse de ses avirons soulevait la grande barque et la lançait en avant. Jeanne, parfois, laissait tremper sa main dans l'eau froide et elle jouissait de la fraîcheur glacée qui lui courait des doigts au cœur. Tout à l'arrière du bateau, Julien et la comtesse, enveloppés de châles, souriaient de ce sourire continu des gens heureux à qui le bonheur ne laisse rien à dire. Le soir venait, avec de longs frissons gelés, des souffles du nord qui passaient dans les joncs flétris. Le soleil avait plongé derrière les sapins, et le ciel rouge, criblé de petits nuages, écarlates et bizarres, donnait froid, rien qu'à le regarder. On rentra dans le vaste salon où flambait un feu gigantesque. Une sensation de chaleur et de plaisir rendait joyeux dès la porte. Alors le comte, mis en gaieté, saisit sa femme dans ses bras d'athlète et, l'élevant comme un enfant jusqu'à sa bouche, il lui colla sur les joues de gros baisers de brave homme satisfait. Et Jeanne, souriante, regardait ce bon géant qu'on disait un ogre au seul aspect de ses moustaches, et elle pensait « Comme on se trompe chaque jour sur tout le monde. » Ayant alors presque involontairement reporté les yeux sur Julien, elle le vit debout dans l'embrasure de la porte, horriblement pâle, et l'œil fixé sur le comte. Inquiète, elle s'approcha de son mari et, à voix basse, « Es-tu malade? Qu'as-tu donc ?» Il répondit d'un ton courroucé, « Rien, laisse-moi tranquille, j'ai eu froid. » Quand on passa dans la salle à manger, le comte demanda la permission de laisser rentrer ses chiens, et ils vinrent aussitôt se planter sur leur derrière, à droite et à gauche de leur maître. Il leur donnait à tout moment quelques morceaux et caressait leurs longues oreilles soyeuses. Les bêtes tendaient la tête, remuaient la queue, frémissaient de contentement. Après le dîner, comme Jeanne et Julien se disposaient à partir, M. de Fourville les retint encore pour leur montrer une pêche au flambeau.